sens. C'est ici que je parle. J'invoque le feu pas pour brûler, mais pour écouter. Chant sacré, nom ancien, flamme intérieure, souffle. J'ai frappé, j'ai gagné, mais je n'ai pas compris. Alors je m'enfonce dans la roche. Frappe pour ceux qui n'ont plus de bouche.